3 sur le terrain. Le buteur à perdre qu'un. Son textile c'est du croco. La volaille prend des photos. Elle cache pilon dans ses collants. Elle est collante comme mon pilon. Je suis passager, elle tient le volant. Je mets ma main dans ses banilons. Baby s'achète du Moncler pendant que la drogue passe la frontière. Parisienne trop dépensière, j'ai fait bien plus qu'avant-hier. Tout ma 4 dans le 4x4. Barré de shit, pas des kits 4. Extra et blanc comme des tirs. T'as 5 étoiles, tu manges ton flip là. Quand je vois cette main, je deviens dingue. Junkie et love, la seringue. Tu dois des sous, c'est coups, sors flingue. Tu dois des sous, c'est coups, sors flingue. Je me balade dans la capitale, j'oublie la banlieue sale. T'inquiète, je vais nous sortir de la haisse. Pour le moment, j'amasse et j'encaisse. Quand je vois cette main, je deviens dingue. Junkie et love, la seringue. Tu dois des sous, c'est coups, sors flingue. Tu dois des sous, c'est coups, sors flingue. Je me balade dans la capitale, j'oublie la banlieue sale. T'inquiète, je vais nous sortir de la haisse. Pour le moment, j'amasse et j'encaisse. Je suis dans le sas, pour cap, ça sort des masques. D'un coup, ça sent la gomme. Pour soi, c'est fait. Je reçois des SMS, cellulaire dans la paume. Je suis nostalgique, cette pute veut ma dick. Je veux salaire de son père, et y'a les flics. Le pute prévient la clique, et bientôt je me tire. Je prends mon bitwing, je les vends comme ta copine. Quatre packs qui nous filent dans la mégane. Ta copine a tourné comme un spinner. Pourtant, elle disait qu'elle t'aimait tout à l'heure. Appelle papy, viens mon baby. Désolé, chérie, on se verra que dans la nuit. Appelle-moi dans un quart d'heure, j'suis devant chez toi, j'suis dans Cooper. J'suis pas sûr qu'on soit demain, j'dois mettre du bleu dans mon ballon. J'suis plus avec mes quatre mamans, les schlags veulent des médicaments. Quand j'vois cette main, j'deviens dingue. Junkie et love, la seringue. Tu dois des sous, c'est coups, sors flingue. Tu dois des sous, c'est coups, sors flingue. J'me balade dans la capitale, j'oublie la banlieue sale. T'inquiète, j'vais nous sortir de la haisse. Pour le moment, j'amasse et j'encaisse. Quand j'vois cette main, j'deviens dingue. Junkie et love, la seringue. Tu dois des sous, c'est coups, sors flingue. Tu dois des sous, c'est coups, sors flingue. J'me balade dans la capitale, j'oublie la banlieue sale. T'inquiète, j'vais nous sortir de la haisse. Pour le moment, j'amasse et j'encaisse.